بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أخذنا ماذا في درس الماضي؟ باب ما جاء في الرياء الباب إرادة الناس بعمله الدنيا. طيب الرياء يعني ما حكمه؟ الرياء سي كوا سون جوجمون؟ حرام وهي شرك أصغر أو قد تكون أكبر. متى تكون أكبر؟ لما هذه العبادات في بداية العبادة قصدوك يعني غيرها. لا يعني pour toi quelqu'un qui vient qui fait une salat pour toi que Allah يعني pour que les gens le voient depuis le début c'est un kafir. Enfin son éloge. Là, il a fait pour Allah, mais depuis son début, quand il s'est levé, il voulait que les gens fassent son éloge. Sa phrase depuis le début, c'est pas de. Tu t'es emmêlé les pinceaux. Là, tu as donné le jugement de l'action qui est rejetée. Moi, je t'ai demandé quand est-ce que le riya c'est du kufr akbar. Quand tu fais apparaître l'islam, comme le cas des munafiqins. L'islam entier. Voilà. Comme le cas des munafiqines qui font apparaître l'islam alors qu'ils renferment le kufr en eux. Donc cela pour apparaître aux gens qui sont des muslimines. Et yakun asrar fima duna zalika. Et chercher une chose de ce bas monde par le biais des ibadat, c'est quoi le jugement? Ça dépend, il y a un tafsir aussi. L'islam complètement, tu cherches. Si l'islam en lui-même tu l'as cherché pour les biens de ce bas monde, ça c'est du kufr. C'est comme les munafiqun. Et non. Si c'est une chose parmi l'islam et que t'es déjà musulman à la base, mais cette chose par exemple, le fait d'être imam, la magie ou d'avoir un poste, ça c'est pas du kufr. C'est ashar. C'est l'acte qui est rejeté. Et le muhaddith qui prenait un salaire en échange du hadith, c'est Abu Fadl Muhammad al-Sulami, il s'appelle. Celui dont les imams Ahmed al-Bukhari et autres ont accepté de lui, malgré tout. Et pour d'autres, beaucoup des muhaddithis n'ont pas accepté. Taïb, al-Ansanatroul. Belle, on va avoir le temps, parce qu'on va en prendre deux, ça dépend du temps. Wa'adab muhim jiddan jiddan la siyama li al-muntasibina ila as-sunnah. C'est un verbe qui concerne maintenant également même les gens de la salafia, surtout ces jours-ci. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. Qui est le chapitre de ceux qui ont obéi aux savants ainsi qu'aux gouverneurs dans le fait de rendre illicite ce que Allah a rendu licite ou dans le fait de rendre licite ce que Allah a rendu illicite, cela revient à ce qu'ils aient pris comme étant des seigneurs en dehors d'Allah. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أراد المؤلف بهذه الترجمة تحقيق التوحيد واتباع الشريعة وتعظيم أمر الله ونهيه والحذر من تقليد الشيوخ والأمراء فيما يخالف شرع الله والتقليد الأعمى. Qu'il a voulu par ce chapitre faire et démontrer la concrétisation du tawhid dans le suivi de la sharia et le fait de faire le ta'zim du décret d'Allah et de ses interdits, et de prendre garde du fait de suivre aveuglément les chouyours ou les dirigeants dans ce qui s'oppose à la législation. Et cela, c'est le taklid arma, le suivi aveugle. Donc là, ce bab-là également, comme je te l'expliquais, est lié Il a un lien avec le ilm, même dans talab al-ilm. Tu vas trouver ça chez les toulab ou chez des gens qui s'apparentent à l'istiqama, au suivi des ulama, avoir du rouleau et tomber dans ce mahzour. Et beaucoup des gens de la masse, surtout ça va être avec également les dirigeants, les lois du pays. Donc les ulama, il est obligatoire aux gens de la foi de magnifier l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il a interdit également, de ne pas rendre halal ce qui est haram, ni le contraire. Donc, le fait de les avoir, de leur avoir obéi parce qu'ils s'opposent à la charia, ça revient à les effets de les avoir pris comme étant des divinités en dehors d'Allah, avec un tafsil, comme cela va être cité, inshallah, et un tafsil. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وهذا رواه نحوه أحمد. Donc il a dit, selon ابن عباس, qu'il a dit des pierres sur le point de tomber sur vous du ciel. Je vous dis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous me répondez que Abu Bakr et Omar ont dit. Et ça, c'est un affar, il est azim jiddan. Ma'anahu, yani balir, a dit mu'iza, qawiyya. C'est-à-dire que lui, il te donne un dalil, c'est-à-dire la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un dalil. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose, il n'y a pas lieu de discuter, d'aller voir ailleurs. Donc des gens, Ibn Abbas, il a dit cela à des gens, je crois que c'était par rapport au Hajj. Et c'est, il y a eu un Afwan, il y a eu un Athar, je confonds avec le Athar, avec le Hadith d'Ibn Omar. Lorsque des gens ont voulu faire le Hajj d'une certaine façon, et que Omar leur a interdit, ils sont venus le voir, Ibn Omar, ils lui ont dit, ton père a dit cela. Il dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose. Je suppose que mon père a dit. Donc qui donc allez-vous choisir? Mon père ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et là c'est Ibn Omar qui parle de son père. Tu vois cette sabette, cette kouwa qu'il avait. Combien arriverait à dire cela aujourd'hui? Tu t'opposes à ton père. Tu t'opposes à un homme de fort caractère, très très fort caractère. Et tu t'opposes à la parole du gouverneur. Quand même, t'as dit plusieurs points, plein d'asbab qui pourraient le pousser à se taire. Et Omar ibn Khattab, c'est le meilleur des hommes après Abou Bakr al-Siddiq. Donc là, Ibn Abbas, c'est pareil. Il leur dit une chose, et les gens viennent pour dire Abou Bakr al-Omar, ils ont dit telle chose. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, Ibn Abbas, c'est comme s'il perdait la raison, tellement il est choqué de leurs paroles. Comment je vous dis une chose qui vient du Prophète, vous dites Abou Bakr al-Omar, ils ont dit. C'est-à-dire là, vous méritez un châtiment sévère pour ce que vous venez de dire là. Que des pierres vous tombent du ciel sur la tête. Donc là, c'est quoi la hikmah à prendre de ce athar? C'est que si jamais Abu Bakr et Omar, eux-mêmes qui étaient les meilleurs des compagnons et les plus savants des hommes, on ne leur obéit pas dans une chose qui s'oppose à un dalil, alors que dire d'autre que eux? Mab aoula la notir ahadan fi dhalika. Après, c'était le athar, kalam de l'imam Ahmed, rahmallahu ta'ala, قال عجبت لقوم عرفوا الاسناد والصحه يذهبون الى راي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. اتدري ما الفتنه؟ الفتنه اي الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. Il a dit l'imam Ahmed, je suis surpris de gens qui connaissent l'isnad, c'est-à-dire la chaîne de narration, et cette chaîne de narration est authentique, et qui malgré cela vont prendre l'avis, l'opinion de Sofiane, la Thawri. Alors que, et Allah il dit dans le sens que prennent garde ceux qui s'opposent à son ordre, c'est-à-dire l'ordre du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'être atteint d'une fitna ou d'être atteint par un châtiment sévère. Il a dit, sais-tu qu'est-ce que la fitna? Il dit la fitna c'est le shirk. Il se peut que, en rejetant une partie de sa parole, qu'une chose dans son cœur vienne, une chose de la déviance vienne dans son cœur, et qu'il s'envoie tomber dans la perdition. Donc, qu'a voulu te dire par là, l'imam Ahmed, que tu es le Dalil, que tu sais que le Dalil est authentique, que c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne doutes pas de la chaîne de narration, car quelqu'un pourrait dire le hadith, fi kalam, fi nazar. Là, tu sais que le hadith, il est thabit, sahih. Et malgré cela, tu vas prendre l'avis de Sofiane Thawri. Et Sofiane Thawri, c'était un imam. Il avait son mazhab à l'époque. D'autres imams avaient un mazhab. Cependant, Allah fait qu'adore seulement 15 mazahib, ce qu'aujourd'hui sont restés connus. Mais il n'y avait pas que ces 4-là qui avaient des mazahib à l'époque. Malgré cela, lui, en tout irtialam, il est Sofiane. Il ne dit pas ça pour tendre dans Sofiane. Il fait comprendre que Sofiane, sûrement, a dû avoir un avis, un ijtihad d'une chose sur laquelle il n'a pas eu raison. Et d'autres gens ont un hadith, la preuve que Sofiane a eu tort, ils le savent très bien, malgré cela, ils prennent le col de Sofiane. Donc pour cela, il dit, par ce fait-là, on craint pour toi d'être atteint par la fitna qui sera le shirk. Donc l'imam Ahmed a blâmé cela fortement. Il en est de même pour les gens qui agiraient comme ça avec lui, qui connaîtraient le Dalil et qui disent « Moi, je suis Hanbali, je prends le calem de l'imam Ahmed. » Ils n'auraient jamais accepté cela. Jamais. فقال الشيخ في هذا فهذا فيه حذر أيضا عن مخالفة النص وإن كان المخالف عالما عظيما وكان الصحابة ومن بعدهم يصرحون بأنه لا يجوز طاعتهم أو طاعتهم في مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والوعيد في من استحل المحرم بفتوى زيد وهو يعلم أنه خلاف الشرع. Donc il a dit quoi? Cela également est une mise en garde contre le fait de s'opposer au texte religieux clair. Même si celui qui a s'opposé à ce texte est un grand savant, immense. Et que les sahaba et ceux d'après eux disaient clairement qu'il n'était pas permis de l'obéir dans l'opposition à l'ordre d'Allah de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et que la menace est pour celui qui a rendu halal une chose haram par la fatwa de un tel ou un tel, alors qu'il sait que cela s'oppose à la législation. Et ça, cette fitna peut être également la bid'a, comme on l'a vu, que des gens ont un fait devant eux clair et limpide, en conformité avec le shara, et malgré cela, par suivi du shirk fulani, ils délaissent cette vérité. Il délaisse ce dalil parce que Cheikh Foulani a dit le contraire, que ce Cheikh chez eux, le Mu'avvam. Pour eux, c'est un savant, pour eux, c'est Shib Ma'soub. On ne peut pas se tromper. S'il dit une chose, obligé, on sait ce qu'il va dire. On dirait qu'ils ont plus peur, si jamais ils s'opposent à ce Cheikh, qu'il leur arrive quelque chose. Que si jamais ils s'opposent à l'ordre du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ces gens-là, tu les vois apparaître tout dans la bid'a, dans le tahazzoub, dans le sectarisme, du fait qu'ils sont enfermés autour de cet homme. Et Cheikh Saïd Da'as, il avait écrit une risala dans le sujet qui est Al-Ishraq fi Risala, qui est l'association dans la risala, c'est-à-dire dans le messager, dans le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui prend autre sa sunnah pour la parole de quelqu'un d'autre. C'est un shirk dans la risala. Quand il y a également un tawhid dans le mutaba'a, que tu ne suis que qui? Le messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc en suivant autre que lui, parce qu'il leur a légiféré, il y a un shirk qui se fait également. Tamam. Il y a un chef qui se fait également. Tamam bi l'ishraq fi risala dans le message. Thumma qala al-mu'allif wa an Adi ibn Hatim annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u hadhihi al-aya ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah al-aya fa qultu lahu inna lasna na'buduhum qala alaysa yuharrimuna ma ahala Allah fa tuharrimunahu wa yuhilluna ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتكم وعبادتهم رواه أحمد والترمذي وهذا وهم من المؤلف في الحقيقة أحمد لم يروي donc il dit selon Adi ibn Hatim qu'il a entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam réciter le verset dans le sens où Allah a dit et ils ont pris leur rabbins et leurs moines, leurs prêtres, c'est-à-dire comme seigneurs d'ordre d'Allah, le verset. Donc Dieu dit, c'est-à-dire a dit, nous, nous n'avons pas adoré. Il dit, n'ont-ils pas rendu illicite ce que Allah a rendu licite, et que vous leur rendiez illicite également, et qui rendrait licite ce que Allah a rendu illicite, et que vous agissez de la sorte? Il a dit, en effet, il a dit, donc voici donc leur adoration. Voici donc leur adoration. En faisant cela, c'est une adoration. فقال الشيخ ابن باز في هذا فمن اطاع العلماء والامراء في تحليل الحرام او العكس واعتقاد واعتقد plutôt je sais pas t'as quoi toi اعتقاد ou اعتقاد اعتقاد اه non c'est اعتقاد ان هذا جائز مع العلم بانه خلاف شرع الله فهذا يكون عباده Donc il dit celui qui obéit aux savants et aux dirigeants dans le fait de rendre halal le haram ou le contraire en ayant pour croyance, c'est là le kaïd, que cela est permis en sachant que cela s'oppose à la législation, alors cela est une adoration envers eux et cela est de la mécréance. Donc c'est un kaïd muhim qu'il aura obéi dans une chose qui s'oppose au din en sachant que cela s'oppose au dîn, et eux en ayant pour croyance que cela est permis d'agir de la sorte. Ils auront repris comme étant des divinités. Amma idha ittaba'ahum jahlan aw ijtihadan fa hadha la yakunu 'ibadatan lahum wa la yadkhulu fi al-wa'id lian al-insan mutalib bi su'al al-'ulama wal akhdh bi fatwahum fima la ya'lam Quant au fait, si aimé par contre, c'est un ignorant ou qu'il a fait un ijtihad, ça serait valable pour quelqu'un qui serait des gens de l'ijtihad, car c'est pas tout le monde qui est l'ijtihad. Donc cela n'est pas une adoration pour eux. Ils n'entrent pas dans la menace, car la personne, il lui est désiré de demander aux savants et de prendre de leur fatawa lorsqu'il ne connaît pas. Ah, Fontella, j'ai fait une erreur. Fimalaya la mukhalafatahu li shalallah. Non, c'est pas mukhalafatahu. Dans ce dont il ne connaît pas d'opposition à la législation. Donc quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, il doit demander au savant. Bien évidemment, le savant, dans son rôle, c'était le dalil. Donc, parfois, ça peut arriver qu'il ne sait pas le dalil. Il revient au questionneur de demander c'est quoi la preuve pour être sur la science de ce qu'il fait. Alors, demain, quelqu'un va dire à un savant, dit, telle chose, je peux la faire. Le savant dit, haram, rien chose. Il s'en va. Il ne fait plus la chose. Après, des gens font cette même chose devant lui. Il dit, cette chose, elle n'est pas permise. Ils vont dire, pourquoi? Ils vont dire, j'ai demandé à chaque fois, il a dit, la chose. Ils vont dire, c'est quoi le dalil? Il ne saura pas quoi répondre. Est-ce qu'il sera sur la science de son affaire? Là, il aura juste fait ce que chaque fois lui a dit. Il n'aura pas fait ce que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Il aura fait ce que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ou Allah lui a dit, dans le fait, il aura demandé à un savant. Non, ça c'est une part. D'autre part, ce qu'il aura fait, il aura fait par obéissance à qui? Après, par la suite, la yajouz, au savant. Et à la base, c'est pas ça qu'il demandait. Il demande d'obéir au savant pour lui-même. Il obéit au savant pour lui-même du fait qu'il rapporte ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété dans son livre, et son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans sa sunnah. Et il n'y a aucun takallouf à demander à un alim pourquoi. Il te dit, hadha min yajouz. Il te dit, tayyib, je te crois, cher, mais pourquoi? Pas je doute de toi, mais je veux savoir comme ça si jamais demain je rapporte, j'aurai le dalil avec moi. Pour les gens. Je ne dirais pas que c'est toi qui l'as dit, les gens vont dire, mais pourquoi? Ce sont des gens, ils auront un hadith ou un cours d'un autre savant que je ne connaîtrais pas, qui se pose à ton kalem. Comment je vais pouvoir trancher, moi? Il y en a qui vont dire, Cheikh Folani a dit, mais Yajouz, tu vas dire, mais moi je me demande, Cheikh Folani a dit Yajouz. Comment on fait maintenant? Comment on revient hein, au khilaf, on revient au kitab as-sunna, on ne connaît pas c'est quoi le dalil? Comment on fait, toi et moi, à ce moment-là? Donc si le Cheikh dit, il y en a Allah ta'ala, fi kitabi, qu'il est kaza wa kaza, oh, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit kaza wa kaza. Classe, t'as eu un dalil. Maintenant, si un khilaf, c'est autre chose. Mais au moins, t'as eu un dalil. Là, t'as rien du tout. Cheikh Folani, il a dit le mayajouz. Et tu restes comme ça. À la base, ça ne devrait pas te suffire. Quand le ta'ala, was'alou al-zikri in kutum la ta'ala moun. Demande aujourd'hui du rappel. Le rappel, il te rappelle. Pourquoi c'est haram, pourquoi c'est halal, pourquoi c'est mustahab, pourquoi c'est makrouh. Ahemt? Allahu. Donc, demandez au alim, naam, c'est wajib sur toi. Mais par la suite, t'as stafid minhu, pourquoi c'est haram? Parce que des fois, il s'explique que le hadith, tu n'as pas compris que c'est haram. Après, tu expliques le anime. Dans ce hadith, on en tire tel et tel jugement. Elle dit, ah, tu as profité. Un malade, tu repars, tu sais que c'est Mayajouz, mais tu ne sais pas pourquoi c'est Mayajouz. Donc là, tu es un Moukallid. Et à ce moment-là, ça se trouve, tu vas rendre haram une chose qui ne l'est pas. Parce que chaque fois, on dit que c'est haram. Alors quand on aurait dit le Nabi Sassam une telle chose, on dit ah non. Ah, j'ai compris. Et il y a même un ami pour comprendre un hadith qui est clair. Parce que déjà, ils disent ah, ils ne comprennent pas. Quoi, c'est des âmes, c'est des ânes, ils ne comprennent pas. Il y a des choses qui sont dures à comprendre. Non, toutes elles sont wadiha. Tu dis le hadith, khalas, c'est fini. Le verset, fahimt, khalas, c'est fini. Mais des gens, je ne sais pas, on dirait qu'ils prennent les gens pour je ne sais quoi. Le ami ne va pas comprendre, donc il peut imiter aveuglément. Est-ce que tu as au moins le ami, tu as essayé de lui dire le hadith pour voir comment il va le comprendre? Est-ce que tu as essayé de lui dire le hadith? Et ça se trouve demain, le ami, en disant le hadith, ça va donner envie d'apprendre. Mais là, tu ne donnes pas envie d'apprendre. Ce qui va se contenter du coup, je demande, c'est tout. On m'a dit haram, halal, je m'arrête là, pas besoin de plus. Lorsque tu donnes le dalil, il prend goût à la science, au ilm. Parce que par la suite, il va donner un talib, l'ilm, demain, il va donner un savant. Mais là, comme ça, tu ne l'apprends pas à vouloir savoir c'est quoi la science. Tu l'apprends juste à être un mouton. À suivre le berger. Pas même à suivre le berger. Voilà, Moustahan. Et ça, c'est parmi les choses sur lesquelles Shimobil était parmi les plus strictes et sévères dans sa darwa, de ne pas appeler au taklid les gens. Là, on va lire une faïda de Cheikh Al-Othaymin dans le Koul Moufid par rapport à ce hadith. Il dit, après, il cite que le fait de les prendre, les ulama et les umara dans le tahlil, dans le tahrim, cela a trois situations, trois cas de figure. Le premier, qu'il les suit en cela en agréant leurs paroles et en mettant leur parole en avant. Et cela pourquoi? Parce qu'il n'aime pas ce que Allah Spontan a décrété. Lui, c'est un kafir. Deuxième cas de figure, qu'il les suit en cela, tout en agréant ce que Allah Spontan a à la base à légiférer. Et que cela est meilleur. Voyez, cela est meilleur. Mais cependant, par suivi de passion. Il va avoir une fatwa d'un alim qui dit un avis contraire au din, et lui connaît l'avis contraire. Et il sait que cet avis contraire, il est meilleur, en fait. Vous voyez ? Mais par passion. En sachant qu'au fond de lui, il a tort. Lui, il n'a pas mécru. Et c'est un désobéissant. Suiveur de passion. Et le troisième, c'est celui qui les suit par ignorance et qu'il pense que cela fait partie du jugement d'Allah. Quand même, il suit un avis qui s'oppose à la Sharia, en pensant que cela est mashrou'. Il dit celui-là, ce troisième cas de figure, se divise en deux lui-même. Premier cas de figure, enfin une première catégorie dans ce cas de figure, qu'il lui est possible de savoir la vérité par lui-même, mais qu'il n'a pas cherché à savoir. Lui, il est négligent. Laxiste, lui, il est un désobéissant. D'accord ? Et deuxième catégorie dedans, c'est que il ne connaît pas ce jugement et il n'est pas en mesure de le connaître. Il a fait un taklid à ce moment-là. Lui, chez en famille, dit que ma fiché à Ali. Après le taklid, c'est notre mas'ala. Il ne peut pas comprendre ça. Il n'est pas en mesure de savoir la vérité. Donc il a pris l'avis d'un savant en qui il a confiance, qui est pieux pour lui, qui est droit, et il a dit khalas. Et il a suivi dans ce qu'il a dit. Ben lui, si cet avis de ce savant n'est pas correct, il n'a pas de péché, lui. Parce qu'il ne pouvait pas savoir l'avis opposé et la vérité. Et il a fait l'effort de demander à un alim en qui il a confiance. Taïeb. Donc là, on va prendre les masaïls de ce bête. قال الاولى تفسير ايه النور du verset تفسير du verset de sourate de la lumière ثانيه تفسير ايه براء تفسير du verset de sourate براء توبه ثالثه التنبيه على معنى العباده التي انكرها عدي la mise en évidence de la ibada que Adi n'a pas reconnu, c'est-à-dire le fait de l'obéir. Parce que lui pensait que les adorer, c'était le fait de faire des ibadas pour eux. Al-Khamisa, رابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. L'exemple donné par ابن عباس بأبي بكر وعمر et l'exemple donné par أحمد par سفيان الثوري. الخامسة تحول الأحوال لهذه الغاية حتى صار عند أكثر الأكثر عبارة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبارة الأخبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. Donc ces choses-là ont changé du fait que chez la plupart des gens l'adoration des prêtres, que le fait d'adorer les moines seulement, pas les rabbins, là, seulement les moines, ça est parmi les meilleures des œuvres. Et il est considéré comme étant des aouliyah. Et le fait d'adorer les rabbins, pour eux, c'est la science et le fiqh. Vous avez entendu ? Parce que pour eux, les moines, c'était l'exemple dans les actes. Les ubad. Et les rabbins, c'est les gens de science, qui avaient vraiment le ilm. Ensuite, les choses ont changé à tel point qu'il a été adoré en dehors d'Allah des gens qui ne sont pas des gens pieux et des gens qui étaient des ignorants. Car les rabbins n'étaient pas des gens pieux, du fait que quoi, ils avaient la source, n'impliquait pas. Et les rohbans, les moines, étaient des gens, quand même, ignorants, qui agissaient sans science. Donc ça a ouvert la porte. On va prendre le bab d'après, Inch'Allah. لأنه متعلق بهذا اختصار. قال المؤلف باب قول الله تعالى ألم ترى للذين يزعمون أنهم آمنوا بما أما آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحكموا إلى التاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يدلهم ضلالا بعيدا. Dans la parole d'Allah, dans le sens où il dit, n'as-tu pas vu à ceux qui prétendent qu'ils ont cru en ce qui est descendu sur toi et ce qui est descendu auparavant, et ils veulent pourtant juger entre eux par le Tarout, alors qu'il leur a été ordonné de mécroire en lui. Et Shaitan veut les égarer d'un égarement lointain. Donc là, le shir cite que le Mu'allif, il a voulu par quoi ? Par ce bab, les gens qui veulent émettre un jugement par autre que la loi d'Allah. Alors que l'obligation, ça revient au bab précédent. L'obligation, c'est quoi ? De juger par la charia, dans toute chose. Comme a dit Azza wa Jal, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juger dans leur litige. Donc, Allah Ta'ala, وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ. Ils jugent entre eux parce que Allah fait descendre. Donc, Allah Azza wa Jal, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَفِي آيَةِ الظَّالِمُونَ وَفِي آيَةِ الْفَاسِقُونَ. Que celui qui ne juge pas parce que Allah a fait descendre, alors ceux-là sont les mécréants, ceux-là sont les injustes, ceux-là sont les pervers. Donc là on s'arrête un moment par rapport à ces versets-là. Le fait de juger par autre que la loi d'Allah. C'est un sujet qui ne touche pas qu'au gouverneur, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent. Mais les gouverneurs sont les gens qui ont le plus grand jugement en cette dunya, donc souvent ils sont plus concernés par cela. Mais ce n'est pas que pour les gouverneurs. Toute personne qui a une part de jugement entre les gens, quand même, ou qui instaure des choses pour les gens, pour diriger leur vie, concerné par cela. Ça peut être un père entre deux fils. Ça peut être un mari avec sa femme. Ça peut être un enseignant avec ses toulèbes. Ça peut être plein de choses. Quand même, ça peut être plein de choses. Ça peut être même une personne qui vient, qui a été prise en juge entre deux personnes dans un litige. Al-Muhim. À la base, ces versets-là, comme les salafs l'ont expliqué, comme Ibn Abbas, laisse le kufr alladhi tazabun ilayhi. Le kufr qui est voulu par ce verset-là, ce n'est pas le kufr que vous imaginez, c'est-à-dire kufr akbar. C'est le kufr ashar. Kufr d'un kufr. Maintenant, il peut être akbar dans trois situations. Si la personne juge pas autre que le Coran et la Sunna et la Sharia en pensant que cela est meilleur. C'est-à-dire ce qu'il fait lui, il voit que c'est meilleur que le Kitab et la Sunna. Lui, kafir. Ou en pensant que cela est équivalent. Il dit mon jugement, Le kitab al-sunna, c'est vrai, mon jugement aussi, il est aussi bien que cela. Ça le vaut, ça équivaut. Lui, c'est un kafir. Ou quelqu'un qui pense que cela est permis de juger par autre le kitab al-sunna et qui vient avec un autre jugement. Fahimt ? Lui, c'est un kafir. Maintenant, celui qui fait cela en sachant que ce qu'il fait, c'est haram, ce n'est pas permis, mais c'est une passion, une faiblesse qu'il a en lui, ça c'est le kufr asra. Après, c'est un autre beb qui mérite plus de tafsil encore, mais là, on prend en surface. Voyons, on prend en surface. Donc, ces versets te démontrent qu'il y a des gens, ils te font paraître l'islam, alors qu'il n'en est pas tel. La situation n'est pas comme ils le montrent. Ils font partie des munafiqines. Car lorsqu'un événement se déroule et arrive, qu'est-ce qu'ils vont ? Ils vont demander un jugement par autre que le kitab wa sunnah. Ils vont voir autre chose. Il dit, moi je suis mu'min. Demain il y a un problème, il faut juger par kitab wa sunnah, il va voir ailleurs. Comme cela va arriver, inshallah, dans les hadiths qui suivent. Donc ça c'est un munafiq, celui-là. Comme a dit Allah Azza wa Jal, « وَإِذْ يَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا » S'il leur est dit, venez, jugeons, parce que Allah fait descendre, ainsi que par son messager, tu verras les munafiqines, ils font obstacle. Ils ne vont pas accepter. Et tu as des gens, ils ont cela en eux, même parmi des gens qui se traduisent la sunna, il y a un khilaf sur une mas'ala, tu as un dalil. Tu leur dis, quand Allah azza wa jal kaza wa kaza, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam kaza wa kaza, quand le Sahaba kaza wa kaza, ou le Salaf kanu yazhabun il kaza wa kaza. Lui il dit, oui mais Cheikh Foulan il dit kaza. Je dis, ça sert à rien ce qu'il disait Ibn Abbas au début. Je te dis que là, c'est Allah il l'a dit. Son messager il l'a dit. Je te rajoute même que les Sahaba ils ont dit. Et les Imams des Salaf ils ont dit. Toi tu me dis Cheikh Foulan il a dit. Pour refuter, pour rejeter ce que je suis en train de te dire là. Rien que je t'aurais dit Allah il a dit, ça suffit, tout seul. Que dire si en plus je te rajoute. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, la sunna a confirmé le verset pour l'expliquer encore plus clairement. Parce que des fois, des versets ne sont pas clairs. La sunna l'a expliqué clairement. Je te dis, en plus, des sahabas te montrent qu'ils ont agi de la sorte. Je te dis que les aïmas des salafs, ils ont compris de la sorte, même s'il y a eu un khilaf à part certains d'entre eux. Et toi, tu viens, tu rejettes tout cela pour me dire, Cheikh Foulan, il a dit. Ça, c'est dangereux, très dangereux. Et beaucoup, ils font ça. Hein. Tu dis à un dillet, ouais, mais Cheikh, il a dit kaza. J'ai demandé à Cheikh, il m'a dit kaza. Je te dis, ah, c'est khatir. Tu donnes un jugement. Du kitab de la sunna, tu me dis, Cheikh Foulan, il a dit autre chose. Même si c'est un cheikh salaf, il a fait un chiad, il s'est trompé. Toi, je te donne des preuves. Parce que des gens pensent qu'en suivant le mujtahid, ils ont ils sont épargnés comme le mujtahid. Le mujtahid, les adilas sont venus qui peut t'excuser. Mais toi, demain, on t'a montré la preuve que cet chiad, il est faux. Il n'est pas correct. Maintenant, tu as su que cet chiad, il n'est pas correct. Tu n'as pas envie de le prendre. Parce que beaucoup de gens, ils aiment bien faire cela. C'est une masala fiya khilaf. On dit non, fiya khilaf, c'est vrai. Masala. Tayyib. Après, il te donne l'avis que lui, il a choisi. Pourquoi tu me blâmes moi alors que Cheikh Foulan, il a dit tel avis ? Tu dis Tayyib, Cheikh Foulan, il a dit tel avis. Maintenant, Cheikh Foulan, on connaît son avis. On sait sur quoi il se base. Pourquoi il a pris cet avis-là ? Il y a des choses qui sont ambiguës dans ce qu'il dit, des choses qui ne sont pas claires. Donc lui, il a émis cet avis-là. Maintenant, pour son avis, on les démontre avec des akwel, d'autres ayats. D'autres ahadiths et d'autres akwals de salaf qui te montrent que la vie de Cheikh il est marjour. Je te l'ai prouvé clairement. Qu'est-ce que tu fais après cela? Non, non, moi, la vie de Cheikh. Tu veux faire quoi que ces gens-là? Donc eux, ils suivent leur passion. Ils aiment bien dire, moi j'ai pris la vie de Cheikh Foulan, ne me blâme pas. J'ai un savant qui a dit comme moi. Tu as prouvé que le coup de ce savant, il n'est pas correct. Donc maintenant, si tu persistes, tu continues, khalas, ce jugement-là, c'est plus sur toi. Toi, tu rentres, tu as une forme de niferk. Et tu as un suivi de passion. On t'a prouvé la preuve. Tu veux pas l'accepter. Donc toi, en fait, c'est pas les chiites que tu veux. C'est cet avis-là qui te convient, en fait. Sans même un autre savant qui l'aurait pris, tu l'aurais pris aussi. Toi, tu veux cet avis-là, c'est tout. C'est ça que tu veux, toi. Cet avis-là te convient, tu veux le prendre. Ah bah. Et beaucoup de gens, c'est ça qu'ils font. Donc ne te sois pas leurré parce qu'ils disent, moi, il y a un khilaf dans la mas'ala. Tayyib, ne me blâme pas si j'ai pris l'avis de le cours de Cheikh Foulan. Si tu me blâmes, moi, tu dois blâmer lui aussi. On dit, c'est pas pareil. Le blâme ne sera pas pareil. C'est pas pareil. Toi, maintenant, on t'a démontré clairement. Wallah musta'an. Thumma qal. Qala azza wa jal. Wa idha qila lahum la tufsidu fil ard. Qalu innama nahnu muslihun. Et s'il leur est dit, ne semez pas la corruption sur terre, ils diront, nous sommes que des réformateurs. On veut que le bien. Shreyd, si un autre savant le conseille clairement, il est plus suffisant. Là, si ton avis clairement, les marjours clairement, qu'il n'y a pas de wesh dans ce qu'il dit, son échiade est fini. Si jamais c'est un alim qui est pieux ou quoi, il va accepter. Il va dire Atara, j'ai un kouli. Comme ça arrive souvent. Oui. S'il continue, ça dépend dans quoi touche la mas'ala. Ça peut être du kufr, ça peut être de la bida, et ça peut être une marsiya, ça dépend de la chose. Par contre, s'il se met à s'allier, à se désavouer pour son avis, et à faire la guerre, ceux qui ne prennent pas son avis, là, c'est de la bida automatiquement. Même si c'est une mas'ala fiqhiya sahla. وقال عز وجل ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée, c'est-à-dire que la charia elle a été mise, le Coran et la Sunna ont été appliqués, vous venez pour la changer, pas pour autre chose. وقوله افحكم الجاهليه يبغون, est-ce le jugement de la jahiliya qu'ils veulent, car tout ce qui n'est pas Coran ou Sunna c'est ta route et c'est jahiliya, même si c'est un truc moderne. La démocratie مثلا, je ne sais pas de quand elle date. Est-ce qu'elle date d'avant la venue du Coran et la Sunna? Ça restera considéré comme de la jahiliya, du tarout et de la falsafa. Même si une chose elle est arrivée après la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'elle s'y oppose, ça sera un jugement de jahiliya. Qu'allait an Abdillah ibn Amr, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'allait la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu تبعني ما جئت به. وقال النووي رحمة الله عليه حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Donc selon Abdullah ibn Amr, que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aucun d'entre vous ne croira tant que ses passions ne seront pas en conformité avec ce avec quoi je suis venu. Et Nawawi, il a dit que c'est un hadith صحيح pour lui. Donc le cheikh explique bien que là c'est l'iman kamel l'iman. Car des gens ils ont des passions et la plupart des passions s'opposent à la sunna. N'est-ce pas? C'est connu. Celui de passion amène à s'opposer à la sunna. Même t'emmène à tomber dans le shirk. Ton nefs appelle à une chose qui s'oppose à ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. Maintenant c'est le hadith veut dire par là que il ne croira pas d'une croix parfaite. Kamel l'iman. Et le hadith c'est kalam mais le ma'na est sahih. Le hadith des savants l'ont rendu faible, mais le sens est authentique. C'est-à-dire que celui d'entre toi, d'entre nous, lorsqu'il aime une chose et que cette chose qu'il aime est en conformité avec le kitab la sunna, hadha min kamal al-iman. Sa foi devient de plus en plus complète. Par exemple, demain, tu te mets à aimer la barbe, tu te mets à aimer le kamis à mi-cheville, ou mi-mollet plutôt. Tu te mets à aimer la femme, elle aime vraiment le voile, elle aime se couvrir totalement. Tout cela, tu l'aimes. C'est plus tu le fais parce qu'Allah t'es obligé de le faire. Tu le fais pour cela. En plus de cela, tu aimes cela. Tu trouves cela beau. Tu trouves cela comme étant une chose de vertu en toi. Ça, c'est Mikamel Iman. T'as des gens, ils font des choses parce qu'ils obéissent à Allah. Mais au fond d'eux, la chose, tu vois, si on leur répond de la faire, ils ne la feraient pas. Mais il fait un jihad nefs sur lui-même. On ne dit pas qu'il la déteste. Mais si on ne lui a pas ordonné de la faire, elle ne l'aurait pas faite. Maintenant tu l'as fait, tu l'ordonnes, en plus tu aimes cela. Comme c'est venu de qui? Je crois que c'est Zohri. Il était dit, Wallahi, même si une voix du ciel disait que le kazib était halal, je ne mentirais pas. C'est-à-dire, pour lui, c'est une chose, le fait d'être véridique, c'est une chose qu'il aime. Même si le mensonge devenait à être rendu permis, ne mentirait pas. C'est-à-dire là, c'est vraiment devenu conforme au haq, tamam. C'est-à-dire même si ce serait permis, je ne le ferais pas quand même. Thumma qal, qal al-Sha'bi kana bayna rajulin min al-munafiqin, kana bayna rajulin min al-munafiqin wa rajulin min al-yahud khusumatun. Wa qal al-yahudi natahakam ila Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lianahu ya'rifu annahu la ya'khudhu rishwah. Wa qal al-munafiq natahakam lil yahud لعلمه انهم ياخذون رشوه فاتفق ان ياتي كاهنا في جهينه فتحاكم اليه فنزلت الم ترى الى الذين يزعمون الايه وقيل نزلت في رجلين اختصما فقال احدهما نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الاخر الى كعب بن الاشرف ثم ترافع الى عمر فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم فضربه بالسيف فقتله. Donc Sha'bi il a dit qu'il y a eu entre un homme des munafiqin et un homme des munafiqin et un homme parmi les Yahoud une dispute, une querelle. Le Yahoudi il a dit viens on va juger auprès de Mohammed entre nous car il sait que Mohammed ne prend pas les pots de vin le richwa. L'autre munafiq il a dit on va voir on va faire un Yahoud les Yahoud vont trancher entre nous les tiens en fait en plus car il sait qu'eux ils acceptent le pot de vin et si, au final ils sont mis d'accord d'aller voir un devin, un voyant, Kahin, à Juhayna. Donc ils ont tranché, il a tranché entre eux. Et de là, il est descendu le verset de la parole d'Allah dans le sens où il dit, n'as-tu pas vu à ceux qui prétendent croire en toi le verset qu'on a pris au début. Et là, il visait par là le munafiq. Parce que le Yahoudi, lui, c'est autre chose. Et il a été dit que ce verset est descendu sur deux personnes qui se sont disputées. L'un d'entre eux, apparemment, c'est des musulmans, ce qui apparaît. L'un d'entre eux a dit, viens, on va voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour régler le problème. L'autre il a dit, non, on va voir Ka'b ibn Ashraf, c'est un Yahoudi. Et finalement, ils ont mis leur affaire entre les mains de Omar. Et l'un des deux a dit, a raconté l'histoire à Omar. Omar a dit à celui qui n'a pas agréé d'aller voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est vrai ça? Le dit, naam. Il l'a exécuté sur le champ. Vous voyez? Naam. Les deux histoires, fi iman azar. Point de vue de la sabbat, siha. Elles ne sont pas authentiques. Mais le marna, est sahih. Comme l'a dit Cheikh Ibn Baz, le marna est sahih. Et Sha'bi, c'était un des tabi'in. Donc là, on en tient quoi comme jugement? Que le fait d'aller juger pour autre que ce que Allah fait descendre en tout sens de cause, cela est de la ridda. D'accord? D'agréer le jugement du Tarut par rapport au jugement d'Allah, c'est de la ridda. Donc on va prendre les masa'il. Ça a été long, mais bon, c'était important. Et comme les deux babs sont liés, j'aimais les faire ensemble. Fi masail, l'oula, tafsir l'ayat al-Nisa, wa ma fiha min al-i'ana, à la fin al-Tarut. Donc il y a le tafsir de surat verset de surat al-Nisa, et ce qui montre comment on comprend qu'est-ce que le Tarut. C'est-à-dire ce qui est en dehors d'Allah de son messager. تفسير آية البقرة إذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض تفسير دو verset de Baqara parce qu'il leur a été dit ne semez pas la corruption sur terre. ثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها تفسير دو verset dans surat al-A'raf où il a été dit dans le sens et ne semez pas la corruption sur terre après sa réforme c'est-à-dire après que l'islam fut instauré. الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون est-ce le jugement de la jahiliya qu'ils veulent. الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. Ce qu'a dit الشعبي dans la cause de la descente du premier verset. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. Explication de l'iman véridique et l'iman qui est mensonger. Celui des munafiqin. السابعة قصة عمر مع المنافق. L'histoire de عمر avec le munafiq. Donc celui qui a été exécuté c'est un munafiq. Et son effet qui était apparu. Parce que le munafiq à la base se comporte avec lui comme un mu'min. Mais quand son effet qui apparaît clairement, là, on l'exécute. الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Que la foi d'une personne ne devient pas complète réellement tant que ses passions ne sont pas en conformité avec ce à quoi est venu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Et parmi les munafiqs de cette époque, Akradawi, قاتله الله. Il n'y a pas eu un mouqif entre les musulmans et les kuffars sans qu'il ait pris parti pour les kuffars. Cheikh Yahya l'a dit, munafiq ad zaman. Et chez les Ikhwan, tu as beaucoup de munafiqin qui veulent juger par ce qu'Allah fait descendre. Car ils n'aiment pas Kitab wa Sunnah. Beaucoup parmi eux, il y a du nifaq. Voilà Moustan, tu les vois faire l'éloge des kuffars et critiquer les musulmans. Kathiran jiddan. Akada. Non, il faut l'éloge du pape. C'est un homme pieux et de réforme. Quelle réforme il y a? Il a appelé au shirk et au kuffar. Wa li'azbillah. Fa ila huna wa alhamdulillah. Rabbil alamin.